mes amis, priez pour moi. Priez, priez, mes amis, priez pour moi. Je suis mort en dansant cette danse-là. Je suis mort en dansant cette danse-là. Victime de la vengeance d'une fille sans cœur qui a tiré sur moi au moins 14 fois. Priez, priez, mes amis, priez pour moi. Priez, priez, mes amis, priez pour moi. Je suis mort en dansant cette danse-là. Je suis mort en dansant cette danse-là. Mon âme est en souffrance. Le diable m'a dit, toujours tu danseras. Jamais ne t'arrêtera. Priez, priez, mes amis, priez pour moi. Priez, priez, mes amis, priez pour moi.